Il reviendra quand, il t'a pas dit? Dans 2 ou 3 jours? Je suis censée faire quoi, moi, pendant 3 jours? Il faut que tu me dépannes. Je t'en prie, j'ai de l'argent, mon Dieu. Angel, allez, trouve-moi n'importe quoi, il y a bien quelqu'un qui en a. Les gentils ont corrosé. Approche-toi de moi et retire tes pesards. La face de l'obsa, tire mon cou, t'es dit que ça. Quand tu t'exciteras, je deviendrai plus bestial. J'arrache ton soutien pour ta tête et tes tons. Et plotte tes nichons, sens que t'es blondichon. Je sais que tu kiffes, je sais que tu kiffes, je sais que tu kiffes, je sais que tu kiffes, je sais que tu kiffes. Des doigts dans le vagin pour monter ta chaleur. Tellement ta chatte mouille, j'ai l'impression qu'elle pleure. Ramène ta bouche sur le zboub marron. Étale ton talent sur mon gland, sors ta langue. La suite est horrible, droit des jeux insolites. Dans le hall, le ciné ou dans ton lit, c'est terrible. C'est terrible. Échec du kiff. Si tu peux pas baiser, laisse baiser les autres. On a la dalle, on veut tout dévorer et briser des côtes. Si tu peux pas baiser, laisse baiser les autres. Yeah. Si tu peux pas baiser, laisse baiser les autres. On a la dalle, on veut tout dévorer et puis payer contre le niveau. Pierre, Esther, V et One, 9, 2. Place au chien de la casse. Au chien de chienne. Ah, je sais que tu connais. C'est la galère quand y'a pas de meuf, hein. Tiens, pêche ça. Ma jolie tête, jolie sucée. Sus, ma jolie tête, jolie salope. Sus, ma jolie tête, jolie cœur. Sus, ma jolie tête, jolie les salope. On y a mes salopes. La purée qui vient. T'inquiète pas, je te préviens. Continue, masse-moi les roubignoles, c'est bien. Je vole, j'ai des frissons, bébé, c'est la fin. Recule-toi, c'est le sus, ma jolie tête, jolie sucée. Sus, ma jolie tête, jolie salope. Sus, ma jolie tête, jolie cœur. Sus, ma jolie tête, jolie blessée. Quelques watts dans ta fente. C'est chaud.